Chapitre 16e. Don José était un petit cousin de Mademoiselle Concepcion. Le duc l'aimait beaucoup. Quelques intimes de la maison prétendaient même qu'il songeait tout bas à en faire son gendre. Cependant, comme il y avait plus de 2 ans que le jeune homme était en France, qu'il venait presque tous les jours à l'hôtel de la rue de Babylone, et que rien ne transpirait au sujet d'un prochain mariage, on pouvait en conclure que si cette union était projetée, du moins, elle rencontrait quelque obstacle momentané. Don José était un homme de 26 ans, fort beau au point de vue plastique, d'une taille élevée, d'une grande distinction de manière, un peu hautain, un peu dédaigneux, en un mot le véritable Hidalgo, qui se souvient un peu trop d'une longue lignée d'aïeux. On aurait pu conclure, par le ton plein d'orgueil qu'il avait employé avec Rocambole, du peu de cas qu'il faisait du gentilhomme français. Don José, disait-on à Paris, était éperdument amoureux de Concepcion. On prétendait en revanche que Mademoiselle de Salandrera n'avait pour lui qu'une affection médiocre, et l'on disait même que si elle l'épousait, elle obéirait à la volonté de son père et non point aux impulsions de son cœur. Rocambole avait recueilli tous ces bruits, tous ces on-dit minutieusement les uns après les autres, et il les avait soigneusement passés au crible de sa raison et de sa perspicacité. Évidemment, s'était-il dit, puisque Mademoiselle Concepcion se trouble et rougit à ma vue, et qu'elle demeure impassible lorsque Don José paraît, c'est que je lui suis moins indifférent que Don José. Cependant, comme le duc et la duchesse m'accueillent depuis quelque temps avec une certaine froideur, il est évident aussi que Don José est plus haut placé que moi dans l'estime de la famille. Ma seule ressource sérieuse est de ruiner Don José dans l'opinion du duc et de la duchesse de Salandrera. Ce projet, ce but que se proposait le faux marquis de Chamerie présentait des difficultés sans nombre et demandait du temps, mais Rocambole était patient. « Don José est riche, s'était-il dit. Don José est à la mode, il a des chevaux, il fait courir, il joue et perd des sommes considérables. Il doit avoir d'autres vices encore. L'essentiel est de lui découvrir une maîtresse. Il doit en avoir une. » En profond observateur du cœur humain, en digne élève de Sir Williams, avec qui le matin il avait eu une assez longue conférence, celui-ci répondant au moyen d'une ardoise, sur laquelle il écrivait des lignes que son interlocuteur effaçait après les avoir lues, Rocambole s'était dit « On peut toujours perdre un homme accroché à une jupe. » Aussi, le faux marquis venait-il de prendre la résolution formelle d'épier, de faire épier Don José, lorsque la pâleur de Concepcion, les regards courroucés de l'Hidalgo et ce mot de Cadiz qui paraissait faire une si vive impression sur la jeune fille, vinrent le jeter dans un nouvel ordre d'idées. Don José avait annoncé son intention formelle de dîner à l'hôtel. Il n'était donc plus possible à Rocambole de prolonger sa visite. Cependant, il hésitait encore, lorsqu'un regard de Concepcion le décida. Rocambole se leva et prit congé. Concepcion lui tendit la main, et il sentit la main de la jeune fille trembler dans la sienne. Puis elle le regarda encore, et ce second regard paraissait signifier « Ah, si j'osais me placer sous votre protection !»« Parbleu !» pensa Rocambole en s'en allant. « L'heure n'est pas loin où la petite me prendra pour son chevalier !» Et il quitta l'hôtel de Salandrera. Demeuré seul avec Don José, Concepcion s'était mise à trembler. Les yeux baissés, assis dans un coin de son atelier, la fière jeune fille paraissait absorbée en une douloureuse contemplation. « Eh bien, ma belle cousine, demanda Don José d'un ton moqueur, il me semble que vous ne raillez plus maintenant. » Elle le regarda et se tut. « Il est charmant, n'est-ce pas, ce marquis de Chamerie ?» Concepcion eut un tressaillement nerveux et trahit son impatience par un léger mouvement d'épaule. « Il est vraiment fâcheux, continua Don José, que vous ne puissiez l'épouser. » Il paraît qu'il est d'assez bonne maison, et sans être riche, Don José, interrompit sèchement Concepcion, vous êtes d'une jalousie ridicule. Soit, je vous aime. Le marquis de Chamerie est un homme distingué et parfaitement bien élevé, qui ne s'est jamais permis avec moi un seul mot qui pût justifier cette jalousie. Bon, il vous aime. Qu'en savez-vous? Cela se voit. D'ailleurs, il me déplaît. Dois-je ne plus le recevoir? Et Concepcion fit cette question d'un ton demi-railleur, demi-tremblant. « J'aimerais autant cela, » répondit durement le jeune Hidalgo. Mais Don José était allé trop loin. y avait trop présumé du mystérieux ascendant qu'il exerçait sur Mademoiselle de Salandrera. Ces dernières paroles réveillèrent en elle tout l'orgueil castillan. Un éclair de colère brilla dans ses grands yeux tristes et doux ordinairement. Elle entoura Don José d'un regard de feu et lui dit « Vous oubliez, Don José, que vous vous attribuez le bien d'autrui, que pour vous montrer aussi impudemment jaloux et tyrannique, il vous faudrait en avoir le droit. » Don José se mordit les lèvres. « Vous oubliez enfin, acheva Concepcion du ton d'une reine outragée, que je suis la fiancée de votre frère, Don Pedro. » Concepcion prononça ce mot en tremblant et d'une façon presque inintelligible. Sa voix couvrait ses sanglots. Mais Don José, un moment interdit et dérouté par le courroux subit de la jeune fille, releva la tête à ce nom. « Vous êtes folle, ma chère Concepcion, dit-il, car vous oubliez quelles sont les volontés de votre père à mon égard. » Concepcion pâlit. « Oui, continua Don José, vous êtes la fiancée de mon frère aîné Don Pedro. Mais vous savez bien que vous deviendrez ma femme le jour où Don Pedro cessera de vivre. Et j'ai reçu ce matin même des nouvelles de Cadiz. » Concepcion jeta un cri. « Ah, mon Dieu, il est mort !»« Non, » répondit froidement Don José, « mais il sera mort dans 15 jours, c'est l'avis des médecins. » Il voulut prendre la main de la jeune fille et lui murmurer sans doute quelques paroles d'amour, mais Concepcion ne l'entendit pas et tomba évanoui sur le parquet de l'atelier. Pendant ce temps, M. le marquis de Chamerie s'éloignait de l'hôtel de Salandrera en se disant « Don José dîne chez le duc. » Il n'en sortira pas avant 8 ou 9 heures. J'ai donc le temps d'aller faire une autre peau et consulter au besoin Sir Williams. » Il rentra donc rue de Verneuil, ne s'arrêta point comme il en avait l'habitude au premier étage de l'hôtel qu'il avait cédé tout entier à la vicomtesse d'Amol, et monta tout droit à l'appartement occupé par le prétendu matelot anglais mutilé par les Chinois. L'aveugle Sir Williams était chaudement enveloppé dans une belle robe de chambre à ramages. Il avait un bonnet de soie noire et des pantoufles fourrées qui achevaient de lui donner l'air d'un honnête et cossu propriétaire du marais. « Mon oncle, lui dit Rocambole en entrant, je vais te conter du nouveau. » Le visage de l'aveugle parut s'éclairer. « D'abord, la petite même. » Sir Williams fit un mouvement sur son siège. « Ensuite, je flaire une intrigue. » Et Rocambole, parlant anglais, raconta de point en point ce qu'il avait vu et entendu dans l'atelier de Mademoiselle de Salandrera, sans omettre surtout l'effet de terreur produit sur elle par ce mot de Cadiz qu'avait prononcé Don José. L'aveugle écouta attentivement, sans donner aucune marque d'approbation ou d'improbation. « Maintenant, mon oncle, que faut-il faire ?» Et Rocambole plaça une ardoise sur les genoux de l'aveugle et lui mit un crayon dans la main. Ensuite, il lui posa la main sur l'ardoise et dit « Écris donc, mon oncle. » Sir Williams traça d'abord ce mot « attendre ». « Attendre quoi ?» demanda Rocambole. « Attendre que Concepcion vienne à toi, t'écrive ou te donne un rendez-vous, » écrivit l'aveugle. « Bien, » dit Rocambole. Et il effaça ce que l'aveugle avait écrit. Puis il reprit tout haut. « Et Don José ?» L'aveugle écrivit. « Suivre Don José dès ce soir pas à pas. Don José doit avoir des habitudes mystérieuses. Te déguiser de façon à ne pouvoir être reconnu par lui. « Parfait, » dit Rocambole, qui remit l'ardoise sur une table après avoir effacé les dernières instructions de Sir Williams. Il quitta ce dernier, fit prévenir la vicomtesse d'Amol qu'il ne dînerait pas et sortit à pied. Une heure après, il était à la porte du duc de Salandrera. Mais ni le duc, ni la duchesse, ni Don José, ni Concepcion, ni personne au monde n'eussent reconnu en lui le marquis de Chamerie. Ce n'était plus l'élégant jeune homme aux cheveux châtain clair, à la figure pâle et distinguée, à la figure aristocratique. Rocambole était devenu un domestique d'origine anglaise, remplissant les fonctions de palefrenier, portant une longue veste d'écurie à carreaux écossais, une perruque blonde surmontée d'un bonnet conique et dont la mine rougeaude et trognonnante semblait attester l'ivrognerie. Le faux palefrenier s'embusqua dans l'ombre d'une porte cochère située vis-à-vis de celle de l'hôtel de Salandrera, ce qui lui permit de voir, à un moment où cette porte s'entr'ouvrit, que la voiture de Don José stationnait toujours à côté du perron. Il attendit ainsi plus de 2 heures. Don José paraissait déterminé à passer la soirée chez le duc. Enfin, la porte cochère s'ouvrit à 2 battants. Le dog-cart sortit. « Diable !» pensa Rocambole. Voici où il va me falloir de bien bonnes jambes. » Don José rendit la main à son cheval, et le dogcart partit au grand trot. Mais Rocambole avait de bonnes jambes, et il se mit à courir. Don José habitait les Champs-Élysées à l'extrémité de la rue de Ponthieu. Il avait là, au numéro 3 de cette rue, un premier étage charmant, avec remise pour 3 voitures et écurie pour 5 chevaux. Malgré la file d'équipage qui encombrait les Champs-Élysées, le faux palefrenier, courant toujours, ne perdit pas de vue un seul instant le dogcart de Don José. Il vit l'Espagnol rentrer chez lui et le dogcart disparaître derrière la porte cochère. « Oh !» se dit-il, « est-ce que Don José serait un homme rangé et rentrera-t-il chez lui à 10 heures précises, ou bien aurait-il chez lui quelque rendez-vous ?» Et Rocambole s'embusqua à l'angle de la rue de Ponthieu, comme il s'était embusqué rue de Babylone, résigné à attendre encore. Un quart d'heure après, un homme à pied sortit de la maison. Il était enveloppé dans un caban, avait une casquette plate et fumait dans une pipe de terre. Pourtant, c'était bien la haute taille et la démarche de Don José. Ce dernier portait simplement une moustache et une royale. L'homme qui passa près de Rocambole avait une longue barbe. Cependant, Rocambole reconnut Don José. « Peste ! » murmura-t-il. « Il paraît que ceci est la soirée au déguisement. » Et il suivit Don José qui avait passé sans prendre garde à lui. L'Hidalgo gagna d'un pas rapide la rue Miroménil et la remonta jusqu'à ce quartier populeux et sale de la place de la Borde, surnommée la Petite Pologne, et qui forme comme une tache de fange au front de l'aristocratique faubourg du Roule. « Où diable va-t-il ? » pensait Rocambole, qui le suivait toujours. Don José traversa la place, s'arrêta un moment au pied d'une maison située à l'angle nord, et parut inspecter du regard les croisées d'un quatrième étage à travers lesquelles on voyait de la lumière. Puis, comme une de ces croisées s'entr'ouvrait, et qu'un linge blanc était suspendu au dehors, en manière de signal, l'Espagnol, qui paraissait avoir hésité un moment, gagna la rue du Rocher, et Rocambole le vit s'arrêter devant une porte bâtarde de piteuse apparence, comme la maison dans laquelle elle donnait accès. Don José ne sonna point, ne souleva pas le marteau, mais il prit une clé dans sa poche, ouvrit la porte, et après l'avoir refermée derrière lui, disparut dans les ténèbres d'une étroite et longue allée. « Il paraît qu'il est ici chez lui, » murmura Rocambole. Puis il s'assit sur une borne et se dit « Morbleu, je saurai demain ce qu'il va faire dans cette maison. » La rue du Rocher était une rue mal éclairée, peu passagère, et rarement fréquentée par les patrouilles et les sergents de ville. Rocambole y demeura plus d'une heure sans être inquiété et même remarqué. Don José était toujours dans la maison. 11 heures, puis minuit, vinrent à sonner. « Oh oh !» se dit le faux marquis de Chamery. « Va-t-il donc y coucher ?» Mais enfin, la petite porte bâtarde s'ouvrit et Don José ressortit. Rocambole s'était effacé dans l'ombre du mur et il put entendre la voix de Don José qui murmurait tout bas « Adieu, mon amour !» Une voix de femme fraîchement timbrée et qui trahissait la jeunesse répondit du fond de l'allée « Adieu !» Et Don José s'en alla. Mais Rocambole ne le suivit point. Il attendit patiemment une demi-heure encore. Puis, quand un chiffonnier vint à passer, il alla à lui et le pria poliment, en lui donnant 10 sous, de lui prêter un moment sa lanterne. « Pourquoi faire ?» demanda celui-ci. « Pour retrouver 20 francs que je viens de laisser tomber. » Le chiffonnier s'approcha. La clarté de sa lanterne tomba sur la porte bâtarde et permit à Rocambole de reconnaître le numéro qu'elle portait. « Numéro 7, lut-il, c'est tout ce que je voulais savoir. Demain, j'approfondirai le mystère. » Mais le lendemain, Rocambole devait avoir bien autre chose à faire.